Ngai komu singile, amu singile, idutai. yalanga nzembo na saka sena lo yembo na kokolo kolo la zamba nyonso kokolo kena ilubo pasa kanga amiesi promase ce n'est pas volé jipe kasende yoto Thank you. tendele tende, bako futa tade, tendele tende, bako futa mama mwadi, tendele tende, jomos na ana, atana miso ya kwesone badestalie, atana miso ya beti imasikilie, atana miso adizolele bako futa ye, tendele tende, bako futa babete, tendele tende, spray adora, tendele tende, miriele sheri nalma, tendele tende, anga bipoli, aha, aha, il n'est jamais trop tard, Bye.